بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Commence aujourd'hui le cours numéro 5 dans le tafsir de Surat Al-Nisa. Et on a commencé au dernier cours à expliquer différents versets. On a lu des versets de 5 à 7. Donc on était en train d'expliquer le premier verset, le verset 5. Et le verset 6, on l'a expliqué aussi. Et donc, on va continuer là où on était rendu. Fadfa'u ilayhim amwalahum. Fadfa'u ilayhim amwalahum. C'est-à-dire, dans le verset qu'on a lu au dernier cours, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, wala tu'tu sufaha amwalakum. Wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman. وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإذا آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. Donc c'est ça qu'on explique maintenant. On est arrivé à ce point-là. Donc je vais vous lire qu'est-ce que je viens juste de traduire maintenant. Il y a quelqu'un qui a enlevé ma page. Subhanallah. Ils m'ont fait perdre. Pardon, mon frère? Ah, arrête! Ça n'a pas rapport. Il faut pas exagérer quand même. Là, le cheikh, il dit 5-6. Oui, donc le cheikh, il dit il avait lu on avait lu au dernier cours les deux versets suivants. Donc là, c'était le verset 5 et 6. Et je vais donc vous lire la traduction de ce qu'on vient de lire. Et ne confiez pas aux faibles d'esprit vos biens dont Allah vous a fait votre subsistance, mais prélevez-en pour eux nourriture et vêtements, c'est-à-dire pour les orphelins. Hein? Et parlez-leur convenablement. Éprouvez-leur, c'est-à-dire testez leur capacité à gérer l'argent. Il y a testé la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. Et si vous ressentez en eux une bonne conduite, c'est-à-dire ils savent bien gérer l'argent comme il faut, alors remettez-leur leurs biens. Hein? Remettez-leur leurs biens, c'est-à-dire qu'est-ce qui leur revient. Le cheikh, il dit, donc, قوله تعالى فادفعوا إليهم أموالهم أي التي كنتم أوصياء وأولياء عليها وأمناء عليها ادفعوها لهم غير مماطلة ومن غير نقص لأن الله تعالى قال فادفعوا إليهم أموالهم يعني كاملة غير منقوصة. Donc ici le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit rendez-leur leurs biens, hein, remettez-leur leurs biens, c'est-à-dire leur héritage. Hein, et les biens qui leur appartiennent, c'est-à-dire lorsque vous étiez des garants pour eux, hein, lorsque vous étiez des tuteurs, hein, c'est vous qui étiez responsable d'eux, et que yani, vous étiez ceux qui avaient la responsabilité de cet argent-là, remettez-leur leur argent sans faire tarder, sans faire attendre. Al-Mumatala, c'est ce que ça signifie, ça veut dire quelqu'un qui a l'argent avec lui, mais qui prend beaucoup de temps pour la donner. Et al-mumatala, c'est pas permis. C'est comme quelqu'un, par exemple, quelqu'un t'emprunte de l'argent et tu lui as prêté l'argent jusqu'à une date précise ou jusqu'à un délai. Puis, lorsque le délai est arrivé, la personne, elle a l'argent sur elle ou bien elle a l'argent, mais elle refuse de la donner tout de suite. C'est comme si elle prolonge, elle attend pour rien. Donc c'est ce qu'on appelle al-mumatala. Donc ça c'est pas permis. De même que il dit wa min ghayri naqs, c'est-à-dire sans que il y en ait moins ou sans diminuer quoi que ce soit de ces biens-là. Il dit parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit et remettez-leur leurs biens, c'est-à-dire de façon complète sans qu'il y ait de manque. Thumma qala jalla wa ala wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru. وهذا نهي للأولياء أن يأكلوا أموال اليتامى على سبيل الإسراف واستنفاذها بغير حق بدارا أي مبادرة الكبر مبادرة الكبر أو الكبار، لأن الولي يخشى أن يبلغ اليتيم فيستحق دفع المال إليه، فيبادر بأكله وإضاعته قبل البلوغ فينتهز هذه الفرصة. والله نهى عن أكل أموال اليتيم أو اليتامى على هاتين الصفتين. الصفة الأولى الإسراف، وهو أن يأتي الإسراف لأنه سيأتي أنه يباح للولي أن يأكل من في حالة خاصة، والحالة الثانية استعجال أكله قبل أن يبلغ، وهذا مما يعني يدل على وجوب المحافظة على أموال اليتامى، وأنها مسؤولية عظيمة وأمانة كبيرة في أعناق الأولياء. Donc ici le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. Et donc ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça dit n'utilisez pas l'argent dans vos intérêts avec gaspillage, c'est-à-dire de gaspiller leurs biens. وبدارا أن يكبروا, c'est-à-dire de vous dépêcher à dissiper l'argent le plus possible avant qu'ils atteignent l'âge où ils ont le droit de prendre leur argent. Donc toi, yani comme le cheikh il explique, il dit c'est une interdiction pour les tuteurs qui sont responsables de ces enfants-là de consommer les biens de ces orphelins-là de manière à les gaspiller et à les dilapider, yani de façon injuste. Et bidaran, c'est-à-dire tu te dépêches à dépenser l'argent avant qu'ils grandissent, hein? Parce que le wali par exemple qui est injuste, il craint que l'enfant, l'orphelin atteigne l'âge dans lequel il va pouvoir prendre cet argent là parce qu'il veut en profiter. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se dépêche à consommer le plus d'argent possible avant que l'enfant atteigne la puberté. Et donc, il utilise ça comme une opportunité, comme une chance pour lui. Et alors que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de consommer les biens de l'orphelin de ces deux façons-là. La première façon, on a dit, c'est de gaspiller l'argent. Parce qu'on va voir plus tard, comme le cheikh il le dit, que c'est permis pour le tuteur, dans certains cas, de prendre un peu de cet argent-là. Dans certains cas, comme on va l'expliquer. Et la deuxième, c'est de se précipiter ou de se dépêcher à manger de cet argent-là ou à consommer l'argent avant que l'enfant atteigne l'âge dans lequel on peut lui remettre son argent. Et ça, c'est la preuve que le responsable ou le tuteur de l'enfant, de l'orphelin, il doit prendre ça comme une responsabilité immense. Il doit préserver ces biens-là et il doit les considérer comme un grand dépôt qui sont attachés à son cou. C'est-à-dire, c'est une responsabilité et il aura des comptes à rendre au jour de la résurrection pour ça. Ensuite, le cheikh il dit ثم قال جل وعلا ومن كان غنيا أي من كان من الأوصياء والأولياء غنيا بماله فليستعفف أي عن مال اليتيم فلا يجوز له أن يأكل منه شيئا لأنه يستغني بماله ومن كان فقيرا والفقير هو الذي ليس له يعني مورد يكفيه فإنه يأكل من مال اليتيم بقدر ما يقوم به من العمل له ويكون ذلك في مقابل قيامه على مال اليتيم فيأخذ الأقل من أجرته أو كفايته مجانا وهذا أذن الله جل وعلا فيه لولي اليتيم الفقير في مقابل ولايته ومقابل قيامه على مال هذا اليتيم وتنميته فالله أباح له إذا كان فقيرا أن يأخذ من مال اليتيم الأقل من أجرته على عمله أو من كفايته. Donc le cheikh il explique que pour يعني Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite du verset et celui d'entre vous qui est riche alors qu'il se suffise de ce qu'il possède. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à prendre des biens de cet orphelin-là, puisqu'il a ce qu'il lui faut. Hein? Donc si les tuteurs de l'enfant, ils ont, eux, de l'argent et ils sont riches, Allez, enfin, qu'il fasse preuve d'abstention par rapport à cet argent-là. Pourquoi? Parce que ils ont déjà ce qui leur suffit, et donc ils n'ont rien droit de consommer de cet argent-là, parce qu'il a déjà son argent à lui. Tandis que celui qui est pauvre, hein, ومن كان فقيرا, celui qui est pauvre, et le pauvre, c'est celui qui n'a pas ce qui lui suffit. Hein? Alors le cheikh, il dit, alors qu'il consomme des biens de l'orphelin selon ce qui lui et ce qui lui suffit, et ce qui va, disons, compenser le travail qu'il fait. Ce qui va compenser le travail qu'il fait. Donc, du fait qu'il s'occupe de cet orphelin-là. Donc, c'est comme si il peut prendre une partie des biens, ou un peu des biens de cet orphelin-là, pour manger dans les limites de ce qui correspond à ce qu'il fait comme travail, du fait qu'il s'occupe de cet enfant-là. Donc, il prend le minimum de salaire minimum, comme on dit. Il prend le salaire minimum, le plus minimum possible par rapport au travail qu'il fait. Ou bien il le fait gratuitement. Hein? Ou bien il le fait gratuitement s'il est capable de s'en passer et de rien prendre. Il dit parce que le responsable de cet orphelin-là, s'il est pauvre, c'est sûr que du fait qu'il s'occupe de lui, il peut, en échange pour le travail qu'il fait, de s'occuper de cet enfant-là, il peut prendre un peu de ces biens-là. Et il peut aussi faire travailler cet argent-là, c'est-à-dire faire travailler l'argent de manière à ce que l'argent puisse croître, augmenter. Hein, c'est-à-dire de l'investir ou de travailler avec pour que ça augmente. Et le cheikh, il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala a donc permis à la personne qui est pauvre de prendre un peu des biens de l'orphelin, le minimum possible qu'il peut prendre pour le travail qu'il fait. فليأكل بالمعروف أي بما تعرفه الناس من جنسه من الأولياء على الأيتام ولو يرجع في هذا إلى القاضي لكان أضبط وأحسن ليقدر للوصي ما يأكله من مال اليتيم مما أباحه الله له. Donc le cheikh, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que le pauvre peut consommer des biens de l'orphelin, mais bil ma'ruf. Bil ma'ruf, ça veut dire quoi? Hein? En bien, ou bien selon ce qui est bien, selon ce qui est connu. Selon ce qui est connu dans la société dans laquelle il est. C'est-à-dire de ce que les gens connaissent, hein? De ce que reçoivent les gens, de sa catégorie ou de son rang. Pour un travail semblable, hein, ou bien pour ce genre de service qu'il fait pour l'orphelin. Et il dit, si il revient au juge pour demander au juge de déterminer le montant qu'il a le droit de prendre pour manger, hein, de cet argent-là, c'est plus clair, et c'est meilleur, et c'est plus clair. Hein, comme règle. Pourquoi? Parce que le juge, lui, il va déterminer un montant qui est, hein, plus clair et plus juste par rapport à ça. Parce que des fois, si la personne, elle se met à déterminer elle-même ce qu'elle veut prendre, peut-être qu'elle va prendre plus que qu'est-ce qu'elle peut ou qu'est-ce qu'elle a le droit. Et sinon, elle risque de faire une injustice envers l'orphelin. Tandis que si il retourne au juge, eh bien là, c'est clair que le juge, lui, il va trancher. Il va lui donner un montant spécifique qui va faciliter les choses pour lui. C'est-à-dire qu'il va faciliter pour lui le calcul et la façon de trancher dans cet argent-là. Ensuite, le cheikh, il dit, ثم قال سبحانه وتعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم يعني إذا دفعتم أيها الأوصياء إلى اليتامى أموالهم بعد البلوغ والرشد فأشهدوا عليهم فأشهد عليهم يعني أشهد أنكم دفعتم المال وبرئت ذمتكم منه وخرج عن عهدتكم إلى مستحقه. يعني فهذا يدل على أنه تقام البينة على الدفع. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, ensuite, et lorsque vous avez donné cet argent aux orphelins, hein, lorsque les tuteurs ont remis l'argent aux orphelins qui sont sous leur charge, leur argent après avoir atteint l'âge de raison, alors il dit Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ, c'est-à-dire prenez des témoins. Prenez des témoins que vous avez remis cet argent-là aux orphelins. Et ainsi, yani, on saura que yani, vous avez rempli votre devoir et que vous avez rempli votre obligation envers ces orphelins-là et que vous leur avez remis ce qui leur revenait. Et donc, ils n'ont plus rien yani, chez vous. C'est-à-dire, tout ce qui leur revenait de droit leur a été remis. Et que vous n'avez rien gardé de ça. Et c'est ainsi qu'on établit la preuve, hein, pour établir que l'argent a été remis. On a pris des témoins pour confirmer ça. Donc, il n'y aura pas de doute ou d'ambiguïté par la suite. Et les orphelins ne pourraient pas dire « Il ne nous a pas remis notre argent. Hein? » Les orphelins ne pourraient pas dire « Il ne nous a pas remis notre argent » parce que l'argent a été remis avec les témoins et les témoins, ils ont vérifié que l'argent était effectivement rendu. وكل هذه الأمور والتوصيات من الله سبحانه وتعالى نحو أموال اليتامى كلها تدل على الاهتمام بأموال اليتامى وعدم التساهل فيها لأنهم ضعفاء فيحتاجون إلى من يحفظ أموالهم وينميها لهم حتى تدفع إليهم عند بلوغهم واحتياجهم للقيام بمستلزماتهم وهذا من التكافل الاجتماعي. Donc le cheikh il dit que toutes ces affaires là et toutes ces consignes de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala envers l'argent des orphelins, c'est des choses qui montrent en fait comment Allah subhanahu wa ta'ala a donné beaucoup d'importance au bien des orphelins et qu'il n'a pas pris cela, ou bien que il ne faut pas prendre cela à la légère. Il ne faut pas prendre cela à la légère parce que les orphelins sont faibles, sont vulnérables. Et ils ont besoin de quelqu'un de honnête et fiable pour préserver leurs biens et pour faire croître et augmenter ces biens-là jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de pouvoir recevoir cet argent. Et lorsqu'ils seront capables de prendre en charge leurs propres dépenses et gérer leurs propres affaires. Et le cheikh, il dit que ça fait partie de qu'est-ce qu'on appelle en arabe at-takaful al-ijtimai, c'est-à-dire yani, c'est comme on dit la solidarité sociale, la solidarité sociale. Ensuite le cheikh il dit wa qawluhu ta'ala wa kafa billahi hasiba, yani lamma amara Allah subhanahu wa ta'ala bil ishhad ala ad-daf'i ila al-aytam amwalahum عند بلوغهم رشدهم ختم الآية بقوله وكفى بالله حسيبا أي كفى بالله جل وعلا محاسبا لكم يوم القيامة على تفريطكم وإهمالكم أو على وفائكم وأدائكم للأمانة فإن الله سبحانه وتعالى مطلع على تصرفاتكم فاخشوه. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa kafa billahi hasiba, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala suffit, hein, hasiban, al-hasib c'est celui qui calcule, celui qui compte. Mais Allah suffit pour observer et compter. Hein? Allah suffit comme il y en a calculeur ou bien compteur pour compter, c'est-à-dire calculer l'argent et compter les faire les comptes. Et donc c'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le meilleur à faire les comptes. Et donc il suffit comme il suffit pour faire les comptes. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné donc de prendre des témoins pour remettre l'argent aux orphelins, lorsqu'on leur remet leur argent au moment où ils sont d'âge, eh bien, et il termine le verset en disant, et Allah suffit pour faire des comptes, c'est-à-dire qu'il va compter pour vous vos biens et il va compter pour vous vos actions, votre négligence ou votre honnêteté et votre fidélité et votre responsabilité du fait que vous avez remis le dépôt qu'on vous avait confié. Donc tout ça sera calculé au jour de la résurrection et il voit parfaitement ce que vous faites, alors craignez-le. C'est ça le sens. Donc si Allah il dit, Allah suffit comme compteur pour faire les comptes, Allah suffit pour faire les comptes, ça veut dire que tu dois faire attention, tu dois craindre. Après le cheikh il dit, ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وهذا مشروع في آيات المواريث وهذا شروع في آيات المواريث لأن المواريث تولى الله جل وعلا قسمتها ولم يكلها إلى غيره. علم المواريث علم عظيم يحتاجه الناس، ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم هذا العلم لحاجة الناس إليه، لأنه ينسى لما فيه من المصالح العظيمة في إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم. ولهذا قال جل وعلا للرجال أي الذكور نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما ترك الوالدان بعد وفاتهم وما تركه الأقارب لأقاربهم من الميراث. نعم, on va traduire jusqu'ici inshallah. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala ensuite il commence maintenant à parler de l'héritage, et là les versets qui vont suivre sont des versets sur l'héritage. Donc, dans ces versets, à partir du verset 7, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie « Aux hommes revient une part de ce qu'ont laissé les pères et mères ainsi que les proches. » Donc, c'est ce que le cheikh, il explique maintenant. Et il dit que ça, c'est l'entrée dans les versets au sujet de l'héritage. Et il dit que les héritages, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est chargé de les diviser. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est chargé de séparer l'héritage pour les gens. Il ne l'a pas légué à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, il n'a pas laissé quelqu'un d'autre s'occuper de ça. Et la science de l'héritage, c'est une science importante. Et les gens ont besoin de cette science-là. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a incité les gens à apprendre la science de l'héritage et les règles de l'héritage. Parce que les gens ont besoin de ça et parce que c'est quelque chose qui est souvent oublié. C'est-à-dire les gens l'oublient avec le temps. Et il dit, il y a dans cette science des bienfaits immenses pour les gens. Dans le fait qu'on donne à ceux qui ont des droits, on leur remet leurs droits. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et aux hommes, al-rijal, c'est-à-dire les mâles, nasibun mimma taraka al-walidani wa al-aqrabun, c'est-à-dire ils ont droit à une part de ce qu'ont laissé les parents, père et mère, après leur mort, ainsi que les proches, envers leurs proches. L'autre jour, j'étais sur Internet, j'étais sur YouTube et je regardais des sujets comme ça qui avaient rapport avec. Je me rappelle plus exactement, mais je suis tombé sur un genre de reportage, pas un reportage, mais je sais pas comment appeler ça. C'est comme un genre de capsule, hein, une petite capsule au sujet de l'héritage en France. Et il disait, le titre c'était, est-ce qu'on ne devrait pas abolir l'héritage? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne devrait pas complètement abolir l'héritage en entier? C'est-à-dire que plus personne doit hériter de quelqu'un d'autre. Et la raison pourquoi il posait cette question-là, c'est parce qu'il disait que la plupart des grandes familles qui sont encore riches aujourd'hui, eh bien, c'est souvent parce qu'ils ont toujours eu ces richesses-là dans leur famille depuis des siècles. Donc, eux, ils considèrent, parce que c'est beaucoup d'entre les Koufars maintenant, c'est des communistes, et donc, ils ont cette idée que les biens appartiennent à l'État, ils n'appartiennent pas aux gens. Donc, il faut, hein, les déshériter, en fait. Donc, il disait, est-ce qu'il ne faudrait pas, au lieu de laisser hériter les gens quand ils meurent, de donner ça à leurs proches, on ne devrait pas le redistribuer à tout le monde. Hein, l'héritage, en plus, ils mettent des taxes là-dessus. Allah Mustaan. Tout ça fait partie de l'injustice, c'est-à-dire de mettre des taxes et de demander des taxes aux gens sur les héritages qu'ils ont et sur leurs biens. Ça fait partie de manger les biens des gens injustement. Donc, tout ça pour dire, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grande sagesse et dans sa grande miséricorde, il a légiféré l'héritage. Et il a fait ça de façon à ce que les proches, justement, puissent profiter de ces biens-là. Et pas des étrangers, hein, mais pour que les proches en profitent. Et il n'y a pas de doute que si quelque chose a été légiféré par Allah, on n'a pas besoin de poser la question, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Parce qu'on sait déjà que automatiquement que Allah l'a légiféré, c'est parce que c'est bon. Hein? Allah ne légifère que ce qui est bon. D'accord? Donc les koufars, eux, on peut les laisser philosopher, faire leur discussion et se poser des questions comme ça. Mais pour nous, la réponse, elle est là, claire, puisque c'est Allah qui l'a révélée. Donc, le cheikh, il dit ensuite, la suite du verset, « Walil nisa'i nasibun ay lil inath, hein, sawa kunna sigaran au kibaran, yani hadhun min mali mawarithihim wa qaribihim. Wa hadha fihi ibtalu ma kana alayhi ahlul jahiliyati fi annahum yuwarithuna al-dhukur duna al-inath. فيحرمون الإناث ويقولون إنما الميراث لمن يركب الخيل ويحمل السلاح ويحمي الذمار وأما النساء فإنهن لسن كذلك فكانوا يحرمونهن من الميراث فالله جل وعلا أبطل حكم الجاهلية وجعل للنساء نصيبا كما للرجال نصيب فلا فرق بينهم في الاستحقاق وإن كان هناك فرق بينهم في المقدار كما سيأتي إن شاء الله تعالى. Donc le cheikh il dit ensuite, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et aux femmes une portion, hein, c'est-à-dire que les femmes, qu'elles soient petites ou grandes, elles ont droit à une part des biens de leurs héritiers et de leurs proches. Il y a ici l'annulation ou la destruction de ce que faisaient les gens dans la jahiliya, c'est-à-dire avant l'islam, du fait qu'ils faisaient uniquement hériter les garçons ou les hommes, et ils ne donnaient rien à la femme en héritage. Donc l'islam est venu annuler ça et abolir ça, et Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré l'héritage pour les hommes et pour les femmes. Donc les gens dans la jahiliya, c'est-à-dire dans l'époque pré-islamique, ils privaient les femmes de l'héritage et ils disaient, parce que les hommes, c'est nous qui montons les chevaux, c'est nous qui portons les armes, et ainsi de suite, tandis que les femmes, elles ne font pas ça. Donc, c'est seulement nous, les hommes, qui avons droit à l'héritage. Donc, ils privaient les femmes de l'héritage. Et Allah subhanahu wa ta'ala a aboli le jugement de la jahiliya et a fait en sorte que les femmes aient droit à une part de l'héritage comme l'homme. Le cheikh il dit donc qu'il n'y a pas de différence dans le fait que tous les deux méritent quelque chose de l'héritage. Il dit qu'il n'y a seulement qu'une différence dans la portion de l'héritage qui leur revient, c'est-à-dire qui revient aux hommes et aux femmes, mais tous les deux méritent quelque chose. D'accord? Ensuite, il y en a pourquoi? Parce que les koufars, eux, ils disent non, l'homme et la femme sont égaux dans tout. Donc ça veut dire qu'ils doivent avoir la même part de tout. L'islam dit, l'homme et la femme ne sont pas égaux dans tout. Ils sont égaux dans certaines choses, et dans d'autres choses, ils ne sont pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont différents. Et ça fait partie de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie aussi de sa sagesse. Hein? Parce que s'il voulait que tout le monde soit égaux, il aurait créé tout le monde pareil. Hein? On aurait tous été une seule copie. Une seule copie de tout. Tout le monde aurait été le même visage, même yeux, même nez, même couleur. Et on n'aurait pas eu d'hommes ou de femmes. Tout le monde aurait été des hommes ou soit tout le monde aurait été des femmes. Il y aurait juste eu un seul sexe. Il n'y aurait pas deux. Pourquoi Allah il n'a pas voulu ça? Il a voulu qu'il y ait deux. Hommes, femmes. Il a voulu qu'on soit tous différents. Hein? Qu'on se ressemble tous, qu'on se ressemble pas. Hein? Qu'on soit tous différents l'un à l'autre. Et donc, il y a une sagesse là-dedans. S'il voulait qu'on soit les mêmes et qu'on soit pareil et qu'on fasse la même chose, il n'aurait pas créé des différences. Hein? Mais les koufars, ils n'acceptent pas ça. Ils refusent ça. Et ils veulent mettre tout le monde égal. Mais ça, c'est de l'absurdité. Et le fait de dire tout le monde a les mêmes droits, ça, en réalité, ça ne veut pas dire grand-chose si tu réfléchis comme il faut. Parce que je peux te dire, tu as le droit d'être riche. Est-ce que ça veut dire que tu vas devenir riche? Non. Mais avoir le droit, est-ce que ça ne change pas? Hein? Ça ne change pas grand-chose. Si tu dis à quelqu'un, par exemple, qui est diabétique, tu as le droit de manger du sucre. Il a le droit de manger du sucre, mais s'il mange, il va mourir. Ou bien il va être malade. Hein? Donc, le fait d'avoir le droit de faire quelque chose, ça ne veut pas dire que tu vas pouvoir le faire. Et le fait que tu le... C'est pour ça que les koufars, ils jouent avec les gens en leur faisant croire qu'ils ont des droits. Mais souvent, c'est des droits qu'ils savent que les gens ne vont jamais pouvoir obtenir. Ou ne vont jamais pouvoir atteindre. Hein? Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'a pas donné de droit, excepté que c'est quelque chose qui rentre dans la sagesse. Hein? Et dans qu'est-ce qui est bon pour les personnes. Il ne va pas leur permettre des choses ou leur ordonner des choses qui sont contraires à ce qui est bon pour eux. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a uniquement permis aux hommes et aux femmes des règles et des choses qui leur conviennent et qui leur correspondent et qui amènent uniquement le bien pour les deux, pour la société, pour qu'il y ait l'harmonie entre les deux. Et c'est ça qui est bien avec la loi d'Allah et la religion d'Allah. Le fait que ça amène à être en harmonie dans la société, entre les hommes et les femmes, pas à être en guerre, les hommes contre les femmes ou les femmes contre les hommes. Non, les hommes et les femmes qui travaillent ensemble, comme des alliés dans la foi, mais chacun il a son rôle, chacun il a sa responsabilité. Hein? Donc ça c'est très très important à comprendre. Après le cheikh il explique, il dit « ثم قال جل وعلا » مما قل منه أو كثر أي ما تركه الوالدان والأقربون من المال سواء كان قليلا أو كثيرا وهذا من باب التأكيد على توريث المرأة وأن لا يترك من حقها شيء وأن لا تحرم ولو كان الميراث قليلا فلها نصيب منه وهذا مما يعطي دلالة واضحة على إنصاف الإسلام للمرأة وعنايته بها عكس ما عليه أهل الجاهلية وما عليه الكفرة اليوم من احتقارها واعتبارها من سقط المتاع إنما يقضون بها شهوتهم فقط ولا وزن لها ولا قيمة لها عندهم. فالله جل وعلا اعتبرها إنسانا له حقوقه وله مميزاته. Donc le cheikh il dit que ce soit peu ou beaucoup, c'est-à-dire donner aux femmes leur héritage, que ce soit peu ou beaucoup. C'est-à-dire qu'est-ce que les parents ont laissé, qu'est-ce que les proches ont laissé comme bien, comme richesse, eh bien, que ce soit peu ou que ce soit beaucoup, ils doivent, hein, elles ont droit à de le prendre. Et le cheikh il dit que c'est pour confirmer que les femmes ont droit d'hériter et qu'elles ne doivent pas laisser quoi que ce soit de leurs droits. Et il dit que on ne doit pas non plus les priver de leur héritage, peu importe que ce soit même une petite part. Et ça, c'est quelque chose qui vient clarifier et donner la preuve claire de la justice que l'islam a fait preuve envers la femme. La justice que l'islam a fait preuve, a eu envers la femme et de l'intérêt que l'islam a pour la femme et pour son bien-être. Contrairement à ce que les gens faisaient pendant les périodes pré-islamiques, avant l'islam. Et même chez les koufars aujourd'hui. Chez les koufars aujourd'hui, le cheikh il dit, ils méprisent la femme. Et ils ne la considèrent rien d'autre qu'une jouissance pour profiter d'elle. Hein? Et une fois qu'ils ont assouvi leur désir avec elle, eh bien, ils n'ont plus besoin d'elle et ils ne leur donnent aucune valeur. Hein? Et donc, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a considéré la femme comme un être humain qui a ses droits et qui a ses particularités. Il n'y a pas longtemps, en Europe, les koufars, ils se posaient la question, est-ce que la femme, elle a une âme? Est-ce qu'elle a une âme? Est-ce que c'est un être humain? Hein? Oui, et les noirs aussi. Et tu vois que ces gens-là, ils avaient ces discussions. Et aujourd'hui, tu vois que les koufars, ils se réfèrent à Voltaire, Diderot, tous les soi-disant philosophes, comme ils disent, des lumières. Hein? C'est les philosophes des ténèbres. La vérité, subhanallah. Et ils disent, c'est eux qui ont libéré les gens de la pensée religieuse et qui ont fait que les gens soient, disons, plus modernes. Et, subhanallah, quand tu vois les paroles que ces gens-là ont écrites au sujet de la femme, c'est ça que tu vois la contradiction. Ces gens-là, c'est clair qu'ils ne croyaient pas en l'égalité de l'homme et de la femme. Hein? Et même ils se posaient la question, est-ce que la femme, elle a une âme? Hein? Donc c'est pour ça que tu vois que ces gens-là, c'est des efforts d'être humain, d'essayer de trouver soi-disant des réponses à des problèmes ou des solutions à des questions. Mais pour dire franchement, hein, la plupart du temps, ils sont dans l'égarement total. Hein? Et s'ils ont une raison quelconque, c'est par hasard qu'ils sont tombés dessus. Donc, le cheikh il dit ensuite, ثم قال جل وعلا نصيبا مفروضا أي مقدرا من عند الله يعني جل وعلا كما يأتي بيان مقادير المواريث في الآيات اللاحقة إن شاء الله. Donc le cheikh il dit, donc c'est une part, hein, qui est prédéterminée par Allah. Et ça, c'est comme ça dans l'héritage dans l'islam. L'héritage dans l'islam, c'est des portions prédéterminées selon les liens de parenté, selon la personne, et ainsi de suite. Et donc, il y a des règles clarifiées, il y a des explications clarifiées dans des livres que les ulama ont rassemblés qui clarifient ces règles-là. Les livres de qu'on appelle des livres d'héritage, des règles d'héritage. Parmi les plus célèbres ou les plus connus, il y en a un, c'est un poème, c'est-à-dire les règles de l'héritage versifié, mis sous forme de vers en poésie, et on appelle ce poème célèbre Ar-Rahabiyya. Ar-Rahabiyya, c'est un des livres de l'héritage qui est le plus célèbre, parmi les plus célèbres, et que les enfants, ils mémorisent. Et les ulamas, ils ont écrit des explications de ce poème-là. Entre autres, Cheikh Ibn Baz, il a un charh de ce livre. Je pense peut-être même Cheikh Ibn Uthaymeen, je ne suis pas certain. Sinon, il y a beaucoup d'autres ulama aussi qui ont des charh de ce livre-là. Et sinon, c'est d'autres livres aussi qui... Cheikh Ibn Uthaymeen, il a expliqué d'autres livres sur l'héritage. Et donc, tous ces livres-là sont bénéfiques. Hein, tous ces livres-là sont bénéfiques pour apprendre les règles de l'héritage. Et il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne que l'héritage, c'est la moitié de la science. C'est la moitié de la science. Et la raison pourquoi il a dit ça, c'est parce que l'autre moitié, c'est la science de qu'est-ce qui a rapport avec la vie. Et l'héritage, c'est la science qui a rapport avec qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'argent de celui qui est mort, donc après sa mort. Donc c'est pour ça que les ulama ont expliqué ça de cette façon, que c'est la moitié de la science. Et aussi, le prophète Sansem a mentionné que c'est la première des choses qui va disparaître parmi les règles et parmi les choses que les gens vont apprendre. Hein? Donc c'est pour cette raison-là que c'est important de faire encore plus d'efforts pour essayer de l'apprendre et de le comprendre. C'est-à-dire, c'est parmi les premières choses que les gens vont oublier de la religion. Des choses que les gens vont délaisser ou bien oublier avec le temps. Et ils vont pas le mettre en pratique, puis ils vont pas l'étudier, ils vont pas le connaître, ils vont pas le savoir. Aujourd'hui, là, si quelqu'un il meurt, faites l'expérience ici, surtout dans les pays de Kufr. Quand quelqu'un meurt, les gens ils savent même pas comment séparer son héritage. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire quoi? Soit ils vont tous séparer égal, ils vont donner à tout le monde la même chose, ou bien ils vont se baser sur les lois des koufars. Comment eux ils ont déterminé comment on doit diviser l'héritage. Ah d'accord. Quelqu'un t'a ouvert? Comment t'as fait? T'as grimpé? Ah oui. Ah, il faut faire attention. Parce que j'ai pas vu ton message tout de suite. Ah ok, d'accord. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que t'as refermé après? Ok, d'accord. C'est bon. D'accord. Wa kullu hadhihi al-umur. Ah ok, on a lu ça. Donc. Ok, donc on va lire le dernier point. فقوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون هذه الآية تعتبر من قبيل المجمل الذي سيأتي تفصيله في المواريث والمواريث جعلها الله سبحانه وتعالى بين عباده من أجل بقاء المنافع واستمرارها فإن مال الميت إذا مات فأحق الناس به قرابته ولا يذهب ماله للأجانب ولذلك الله جل وعلا قسم ثروة الميت بين أقاربه لينتفعوا بها كما قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس فهذا التورث الذي جعله الله سبحانه وتعالى هو من منافع القرابة أحياء وأمواتا فنقل سبحانه مال الميت إلى أقاربه حتى يحصل له الصلة للأرحام ويحصل له الأجر والثواب في ذلك بعد موته. Donc ici le cheikh il dit donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset: aux hommes, il y a une part de ce que les proches, les parents et les proches ont laissé, et pour les femmes, une part de ce que les parents et les proches ont laissé. Donc ce verset est considéré comme une explication générale ou une parole générale avant ce qui va venir par la suite comme détail, hein, au sujet des règles de l'héritage. Et le cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que l'héritage soit entre ses serviteurs dans le but de faire en sorte que les bienfaits restent, hein, restent et yani soient perpétués yani après la personne. C'est-à-dire que si quelqu'un il a des maisons, il a de l'argent, il a des voitures, il a des biens, eh bien ça va pas s'en aller comme ça, hein, n'importe qui peut le prendre. Hein, c'est pas premier arrivé, premier servi. Quand quelqu'un il meurt, tout le monde se jette sur sa richesse, sur ses biens, puis chacun il essaie de mettre le plus dans ses poches. Non. Quand quelqu'un meurt, c'est les héritiers qui prennent cet argent-là et chacun il a sa part. D'accord? C'est-à-dire, chacun il a sa part, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous avoir la même part. Chacun il a sa part, ça veut dire chacun a la part que Allah lui a prescrit. D'accord? Peut-être que un des membres de la famille, yani, le frère, il aura une part. La sœur, elle aura une part. Le frère, il aura une part. La sœur, elle aura une part. L'oncle, il aura une part. Chaque membre de la famille, Allah, il a prescrit une proportion particulière. Chacun, il a sa proportion. D'accord? Donc, ce n'est pas tout le monde qui dit on sépare tous égal. Et en même temps, ce n'est pas le mort non plus qui peut décider combien il donne à qui et combien il donne à l'autre, combien il donne à l'autre. Non. Parce que ce n'est pas de notre sort de déterminer ou de choisir combien on donne à ceux à qui on laisse en héritage. Non. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a prédéterminé les proportions pour chaque personne. Et si quelqu'un laisse un testament, hein, qu'est-ce qu'on appelle al-wasiya, ça c'est autre chose. Le testament, c'est uniquement permis pour un tiers des biens de la personne qui est morte. Au-delà d'un tiers, il n'a pas le droit de donner dans son testament. Parce que ça, le reste, au-delà d'un tiers, ça va pour les héritiers. Et c'est selon les proportions qui ont été prédéterminées par Allah subhanahu wa ta'ala pour chaque personne dans la famille. D'accord? Donc ça, c'est très important de le comprendre. Et après, le cheikh, il dit donc que lorsque le mort a laissé des biens, les gens qui méritent plus ces biens-là sont ses proches. Et ça ne va pas aller aux étrangers, comme je disais tout à l'heure par rapport à cette capsule que j'ai trouvée sur Internet qui disait « Pas besoin d'hériter, il faut que l'argent soit distribué aux gens, whatever. » Tout ça, c'est des formes d'injustice. Et le cheikh, il dit, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a divisé la richesse des morts entre ses proches pour qu'ils puissent tous en profiter. Et Sa'd ibn Abi Waqqas, quand il était malade et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu le visiter, si vous avez écouté le dars de Riyad Salihin, les deux derniers cours, vous avez entendu ce hadith-là en détail. Sa'd ibn Abi Waqqas, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Ô messager d'Allah, j'ai beaucoup d'argent et je n'ai pas d'héritier excepté une fille. » À cette époque-là, il n'était pas encore... Hein, il n'avait pas encore beaucoup d'enfants et il pensait qu'il allait mourir bientôt. Donc, il pose cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que je ne devrais pas donner deux tiers de mes biens? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Il a dit, dans ce cas-là, est-ce que je peux... Donc, il a demandé jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dise, un tiers, tu peux donner, mais un tiers, c'est beaucoup. Un tiers, tu peux donner, mais un tiers, c'est beaucoup. Il dit, c'est mieux pour toi, et c'est ça que le cheikh il a cité ici, il a dit, c'est mieux pour toi de laisser tes héritiers riches que de les laisser pauvres en train de tendre la main aux gens de mendier dans la rue. Hein? Donc, c'est mieux que tu leur laisses quelque chose qui va leur permettre de vivre dignement et d'être, hein, de pas avoir demandé à rien, à personne, que de les laisser dans la pauvreté en train de mendier, demander aux gens. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et c'est pour ça que l'héritage, Allah subhanahu wa ta'ala, il en a fait pour que ce soit un bienfait pour les proches de la personne, hein, qu'ils soient vivants ou morts. Il dit, donc, on va faire transmettre, hein, ou bien on va distribuer les biens de la personne qui est morte à ses proches. Et par conséquent, il y aura la préservation des liens de parenté, c'est-à-dire les liens de parenté vont être préservés. Et il aura en même temps une récompense pour cet argent qu'il aurait distribué après sa mort. Donc, la personne, quand on distribue son argent et son héritage après sa mort, il a des récompenses pour ça. Donc, c'est un bien en même temps pour lui. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Au prochain cours, on continuera. On va expliquer les règles de tout ce qu'on vient de lire, les points bénéfiques qu'on peut tirer de ces règles-là. Inch'Allah. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته